Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, livre culte pour lecteurs rebelles, une série d'Élise Gruot réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a ces livres dont on se souvient où et quand on les a lus, de ces livres qu'on a offerts et qu'on a dévorés à 15 ans et qui nous semblaient sulfureux, qu'on avait tous lus et qui ont mal résisté au poids des années. Alors pour commencer, les personnages. Christiane F., un chauffeur de taxi qui fait le guide, une journaliste sur une piste, un autre à l'origine d'un best-seller, un photographe avec des souvenirs, une diariste de l'Est, un addictologue qui décode et un éditeur sur un filon. Ensuite, le décor. La gare de Zoo, Berlin-Ouest, la prostitution, la scène rock, le mur, la drogue, des boîtes de nuit, un livre mythique, l'addiction, un film, la caricature, une rechute et la célébrité. Aujourd'hui, 4e épisode, on arrive à Berlin. Christiane ? Qu'est-ce que tu fais dans le noir ? Ça fait 35 ans que je ne suis pas morte. Personne n'aurait jamais cru que je vivrais jusqu'à 51 ans. Beaucoup m'avaient prévenu. Si tu continues comme ça, tu ne passeras pas à la quarantaine. Livre culte pour lecteurs rebelles. Moi, Christiane F., le flip des adolescents. C'est moche de mourir avant d'avoir vécu. Par Élise Gruot et Anna Schmuck. Et là, on va traverser vraiment le centre vers le Kurfürstendamm, le Bahnhof Zoo. Seulement ici. Ah oui. Bahnhof Zoo ist diese Richtung auch. So, dann wir biegen nach rechts ab nachher und wenn Sie da immer geradeaus fahren, kommen Sie direkt Wolf zum Bahnhof. Wolf Sackmann est chauffeur de taxi à Berlin depuis 40 ans. Il nous emmène sur les traces de Christiane F. sur les lieux où elle a vécu, en commençant par la gare de Zoo. Ach nee, wir fahren jetzt so hier lang. Moment. Ja, sehen Sie, wir sind jetzt hier. Da oui. ist der Potsdamer Platz, hier ist der Potsdamer Platz. Wir fahren bis dahin und dann fahren wir so weiter. Moment. Oui, donc on va vers la Potsdamer Platz, on traverse d'est en ouest. Und kommen dann von hier so lang da diese Straße. So, der Bahnhof Zoo ist hier und wir werden dann so fahren, so die Lietzenburger Straße, so, weil direkt hier ungefähr ist die Ludwigkirchstraße. Ah oui. Und da ist der Bahnhof Zoo, hier ist der Kurfürstendamm. On va contourner la gare de Zoo qui est en fait à une extrémité du Tiergarten. Et ça, c'est l'église du souvenir, yeah. Gedächtniskirche. Yeah. D'accord, donc c'est vraiment le centre de l'Ouest, quoi. Le plein centre-ville. Donc. Das hier, alles, was Sie sehen, alle Gebäude hier, sind alle in den letzten 20 Jahren gebaut. Hier war nichts. Ja. Tout date des 20 dernières années. C'est ça. Ouais, il n'y avait rien du tout. Die Mauer. Ah, voilà. Là, c'est le long du mur. Ja, da. Dieses. C'est une ganze Berlin. Tu vois les pavés, oui. Et en fait, ça suit tout le long. Il y a des morceaux là. Da sehen Sie es. Und alles, was Sie hier sehen, da hinten, hier, ist alles neu. Le lieu le plus célèbre du livre est la gare de Zoo. Et le soir, toujours le Sound. Moi aussi, autrefois, j'aimais beaucoup aller au Sound. Je suis fan de rock et ils passaient toujours du bon hard rock. Und am Bahnhof Zoo, wenn ich so an die 79 denke, Devant et derrière la gare de Zoo, quand je repense aux années 70, il y avait toujours des garçons et des filles. Et quand j'allais chercher des amis à la gare, j'étais toujours abordée par toutes sortes de gens qui me proposaient de payer pour du sexe. Diese Szene konnte sich dort ausbreiten, weil keine Berliner West-Berliner Cette faune a pu s'implanter là parce que la police ouest-allemande n'avait juridiquement pas le droit d'intervenir à cet endroit. Seule la police ferroviaire berlinoise avait le droit d'agir. Et c'est pour ça que la prostitution infantile et le trafic de drogue se sont développés là. Car la police est-allemande de la gare n'est jamais intervenue. C'était pour ainsi dire une zone de non-droit. La gare était dégueulasse. C'était impossible. Je n'ai jamais pu mettre les pieds aux toilettes. Est-ce que vous avez lu le livre de témoignage de Christiane F? Ich habe das Buch zweimal sogar gelesen. J'ai même lu le livre deux fois et j'ai vu le film deux ou trois fois. Ce qui est décrit était la réalité absolue. Absolute Realität. Hey, dis donc, tu baises? Fous-moi la paix. Hey! Christiane! La vraie junkie, hein. Tu devrais pas venir ici, tu sais. Ah oui, pourquoi pas? Parce que je veux pas que ma copine vienne à la station Zoo. C'est moche de mourir quand on n'a pas encore vécu, écrit Christiane F. lors d'une énième rechute et injection d'un mélange douteux. Son récit à la première personne, aux accents rimbaldiens, où la sincérité et les transgressions flirtent sans relâche avec la mort, a bouleversé plus de 5 millions de lecteurs et continue jusqu'à aujourd'hui. Was gibt es am rechts? Rechts geht zum Kudamm und zum Bahnhof Zoo und zur Gedächtniskirche. Ich fahre jetzt den schöneren Weg ins Mazzini. Wenn Sie jetzt hier rechts gucken, gucken Sie direkt auf den Kudamm. Ach, noch nicht. Und diese Straße geht direkt auf den Bahnhof Zoo. Ça va tout droit vers la station Zoo. La gare Zoo. Sur Facebook, je retrouve le témoignage récent d'un fan. Ce livre a été ma bible à l'époque, car j'y trouvais alors plein de choses qui me correspondaient. La détresse, la vie qui s'échappe peu à peu, ce monde d'adultes trop dur qui repousse et qui attire. L'attraction pour le danger, le désespoir d'être. Christiane, c'était la sœur, l'amie qu'on aimait et que l'on voulait aider. Je l'ai lue à l'époque 5 ou 6 fois, et un jour j'ai grandi, et alors fini le désespoir et fini l'autodestruction. Depuis, je ne l'ai plus relu parce qu'il correspond à une période de ma vie révolue. Pour beaucoup, Christiane F. a incarné la voix de l'adolescence. Vous voyez, là, steht so ein altes, schönes, und rechts und links neu. Ja, und das ist eine ehemalige Schule und das ist jetzt quasi Universität. C'était son école. Je fais partie de ces gens qui ont été obligés de lire le livre, car c'était une lecture obligatoire à l'école en Allemagne, surtout dans les années 80. Je l'ai lu à peu près, je dirais, une dizaine d'années après sa sortie. Ma sœur l'a lu avant moi. Je me souviens qu'elle était extrêmement choquée, que le livre traînait à la maison, mais que j'avais pas encore le droit de le lire parce que j'étais trop jeune. Quand j'ai rencontré Christiane F. en 2013, pour moi, c'était évidemment rencontrer une légende, c'était une chance inouïe. Géraldine Schwartz, vous êtes journaliste et auteure franco-allemande. De quoi était faite cette légende, Christiane F.? C'est une forme d'héroïne à laquelle on a envie de s'identifier parce que son combat est la drogue, mais on peut s'identifier à ce combat même quand on prend pas de drogue. Ensuite, elle est extrêmement humaine. elle est honnête, elle est franche, et elle parle assez bien de ses sentiments et de ses émotions. Et ça se sent dans le livre. Il y a quelque chose de déroutant et aussi d'émouvant de voir cette jeune fille qui se met à nu et qui ne se doute pas que cette mise à nu, finalement, elle va avoir un prix qu'elle paiera après la publication du livre, qui est de s'être totalement froissée avec sa famille. Quand j'ai vu Christiane Ehf, elle n'avait plus aucun contact ni avec ses frères et sœurs, ni avec ses parents. Et quand elle a écrit ce livre, je pense qu'elle ne se rendait pas compte que cette mise à nu allait être finalement instrumentalisée aussi par les médias. Christiane Ehf était une légende, je pense, pour tous les jeunes qui ont grandi dans les années 80 et les années 70, parce que quelque part, secrètement, on admirait Christiane Ehf pour avoir vécu tout ce qu'elle avait vécu et surtout pour avoir vaincu la drogue, pour avoir surmonté ses épreuves. Le livre se termine sur une note positive, puisque à la fin de son livre, elle s'en est sortie. Elle a rangé les talons et le maquillage dans le placard et elle mène une vie normale de jeune fille chez sa grand-mère. Elle va à l'école et elle vit à la campagne. Et donc je pense que c'est un livre qui à la fois a révélé les dérives de la jeunesse allemande dans les années 70, mais en même temps est vraiment porteur d'espoir puisque ça se termine sur une note positive. On peut être né dans une banlieue pourrie, avoir un père alcoolique, une mère extrêmement absente qui travaille du matin au soir, avoir commencé à se droguer à 12 ans, fait le trottoir tous les après-midi après l'école et malgré tout s'en sortir. Il n'y a pas de fatalité. C'était ça le message du livre et c'est ça qui faisait la force de ce livre. Je m'en suis sortie. Ma mère m'a emmenée chez ma grand-mère près de Hambourg. Et je suis clean depuis un an et demi. Quand je pense à Detlef, j'ai peur. Je pense souvent à lui. J'aimerais lui donner un peu de ma force pour l'aider. Mais pour le moment, j'en ai besoin pour moi. Ce film est dédié à Atze, Axel et Babsi, ainsi qu'à tous ceux qui n'ont pas eu le courage et la chance de survivre. Strick, vous êtes un des deux journalistes qui avait recueilli le témoignage de Christiane Ehf et c'est ce témoignage qui est devenu le livre traduit en français « Moi, Christiane Ehf, 13 ans, droguée, prostituée ». Comment avez-vous rencontré Christiane Ehf ? Je faisais un reportage pour le Stern sur une forme de prostitution infantile. À cette époque, il y avait un procès en cours, ici à Berlin-Ouest, où Christiane était citée comme témoin. Je suis allée à ce procès, et dehors, devant la salle d'audience, il y avait Christiane assise avec son père. Je ne la connaissais pas plus que son père, naturellement. Je lui ai dit que j'écrivais un article sur la prostitution infantile. Je lui ai demandé si elle avait des choses à dire sur le sujet. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui vous a touché le plus dans cette rencontre avec Christiane Ehf ? Nous avions prévu une ou deux interviews et finalement, ça a duré 3 mois. Pendant 3 mois, nous avons parlé avec Christiane. Nous avons toujours eu le même sentiment, mon collègue et moi. Si incroyable, si inimaginable que paraisse ce qu'elle nous racontait, chaque mot était vrai. Nous n'en avons jamais douté. Elle nous a ouvert un monde, elle nous a décrit un monde dont nous ne savions rien. Les décès de toxicomanes, d'héroïnomanes à l'époque, c'était un entrefilet de dealing dans un journal. Mais nous ne savions rien. Personne ne savait. Que se passait-il dans cette gare de Zoo, dans ce Berlin-Ouest des années 80, pour des très jeunes enfants et adolescents ? C'était comme Christiane Ehf l'a décrit. Nous avons bien sûr visité les lieux dont elle parlait. Le Märkisches Viertel, cette cité de grands ensembles à la lisière de Berlin-Ouest, et la gare de Zoo et d'autres endroits. Nous sommes allés voir et nous avons retrouvé exactement ce qu'elle a raconté. Also die Schilderung des Bahnhofs Zoos, ebenso wie die Schilderung la description de la gare de Zoo ou du Märkisches Viertel ou de la cité Gropius où Christiane habitait est parfaitement exacte. Das einzige Dementi, ein Dementi zu dem, le seul démenti de ce que nous avons écrit oder was wir geschrieben haben, est venu du Sénat de Berlin. Von der Senatorin für Jugend und Sport. La sénatrice à la jeunesse et au sport a déclaré « Il n'y a pas de prostitution infantile à Berlin ». Est-ce que vous vous attendiez à ce que le livre « Moi, Christiane F., 13 ans droguée prostituée », dont le titre allemand ce serait « Nous, les enfants de la gare de Zoo », est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il ait un tel succès auprès des lecteurs ? Non, à ce point-là, non. Enfin, cela nous avait tellement pris aux tripes, comment dire, sidérés. Mais on ne s'attendait pas à ce que ça devienne un tel best-seller. Pas du tout. À la rédaction du Stern, personne n'était enthousiaste. Ils disaient, vous voulez ruiner le journal ? Qui veut lire ces horreurs ? Qui s'intéresse à ça ? Und letztlich hat die finalement, Geschichte qui a sauvé l'histoire et l'a fait publier au Stern? Henry Nannen. Henry Nannen. Der schon nicht mehr im Geschäft war. Das war il était déjà plus en activité à l'époque. C'était le seigneur de la maison, pour ainsi dire. Un grand journaliste. Quand il a eu le manuscrit entre les mains, il a dit « Il faut l'imprimer, tout de suite ». Ce n'était pas prévisible pour personne, même pas pour nous. Et merde, aujourd'hui j'ai envie de me shooter. Ça va pas question, ma vieille. De toute façon, que je sniffe ou alors que je me shoote, je vois pas la différence. Tu te trompes. Le shoot, c'est un coup de marteau. Arrête, raconte pas de conneries. Maurice Weiss, vous êtes photographe et vous vivez aujourd'hui à Mitte, au centre de Berlin. Quel est votre souvenir de la lecture du livre de Christiane F ? C'était présent, parce que nous, on était tous des adolescents dans la région de Francfort. Et je me souviens qu'on avait 15-16 ans. J'étais une des derniers élèves d'une école de garçons, donc il n'y avait pas de filles dans l'école. Et je me souviens, quand on était jeunes, on cherchait, bien sûr, on sortait les nuits et tout ça. Nos parents ne s'occupaient pas trop de nous. Que la drogue, ces histoires, le sida qui venait d'apparaître et tout ça, ça nous a quand même assez préoccupés. Nos profs étaient tous des anciens 68ards, donc ils s'apprenaient petit joint et tout ça. Et ça fait qu'on a grandi quand même dans une sorte d'incertitude. Donc on est adolescent, on a 16-17 ans, on sort, et le premier truc qu'on rencontre quand on sort la nuit, c'est partout les gens qui vendaient de la drogue. C'était assez courant dans la région de Francfort, à Darmstadt. Partout où ça se trouvait du héroïne, du hashish et tout ça. Et Christiane F, un synonyme un peu de notre génération, la faillite totale. On est très nombreux, on est les baby-boomers, donc les classes, on avait 35-40 élèves dans les classes. Quand on arrivait dans les universités, c'était rempli à fond, je veux dire, il n'y avait pas assez de places assises. Et vraiment, un futur professionnel, comme nos parents ont pu faire dans les années 50-60, je voulais devenir photographe, médecin, quoi que ce soit, on a dit, oh, forget it, vous n'allez jamais y arriver parce qu'il n'y avait pas de place. Donc les années 70, c'était une sorte de piège pour toute une génération. Et donc on sentait tout le temps des limites. Et la drogue qui était venue avec les Américains du Vietnam et tout ça, ils étaient arrivés à cette époque-là aussi en Provence, en Allemagne, elle a joué un grand rôle parce que la drogue, c'est une sorte d'expérimenter, de sortir du quotidien. Donc j'ai plein de copains qui sont morts à cause de la drogue et tout ça, et Christiane F, si on veut, est un peu le symbole de cette génération. Enfin, en tout cas, après notre sentiment, comment s'en sortir et tout ça. Et Christiane F, c'était un reporter sur elle, elle a parlé librement et franchement, comment ce piège, ce trou qui s'ouvre devant soi, si on n'arrive pas à s'en sortir, s'ouvre et on plonge dedans. Et c'était un peu ce qu'on a senti aussi. Moi Tiens, prends ça. C'est génial. T'en veux pas? J'ai pas envie, non merci. C'est la première fois, hein? Je te dis que j'ai pas envie, merde. Pour Strick, comment comprenez-vous qu'il y a eu ce succès donc, auprès des lecteurs qui pouvaient être des adultes, lecteurs du Stern, mais auprès de la jeunesse et des adolescents? Cette histoire terrible, pourquoi est-ce qu'elle a tellement touché la jeunesse? Christiane a en erster Linie, Christiane a décrit la réalité. Bien sûr, elle parle beaucoup de la drogue, mais avant tout, elle a raconté comment à 13, 14, 15 ans, on grandit dans une ville comme Berlin. À Paris, ce serait peut-être la même chose. La drogue joue un rôle, bien sûr. Mais ce qui semble plus intéressant à mes yeux, c'est la description de son environnement, de sa réalité et celle des autres jeunes. Je pense que d'autres jeunes lecteurs s'y sont retrouvés. Auch wenn sie nicht auf der Straße gelebt haben und nicht heroinsüchtig waren, oder andere süchtig wie Christiane. Et s'ils n'étaient pas héroïnomanes ou drogués comme Christiane. Christiane hat ja Christiane a dépeint une réalité sociale et beaucoup de jeunes se sont reconnus dedans. Und darüber erzählt. Und ich denke, darin haben sich auch viele Jugendliche erkannt. Les conflits avec les parents, avec l'école, dans le métro, ils s'y sont retrouvés. In der U-Bahn. Also, ich denke, die haben sich da bien sûr, c'était aussi une histoire exotique et captivante. Eine exotische Geschichte war. Und auch, natürlich auch eine spannende Geschichte. Und ich glaube, noch etwas spielt da eine Rolle, dass der jugendliche Leser, et je crois qu'autre chose a joué un rôle. Den Eindruck gehabt les lecteurs hat, adultes ou adolescents ont eu le sentiment qu'il s'agissait là d'un témoignage authentique. Et pas de l'invention ou de la prose de deux journalistes. Ja, on sentait que c'était authentique. Ist spürbar geworden. En ville, il y a des affiches partout. Le Sound, la discothèque la plus moderne d'Europe. C'est là que je vais. Maurice Weiss, qu'est-ce que ça symbolisait pour vous, ce Berlin-Ouest, cette scène ouvert cette enclave de Berlin au milieu de l'Allemagne de l'Est, où on entendait parler de musique, d'une jeunesse, de plein de concerts. Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous, ce Berlin-Ouest, où vivait Christiane F? Pour nous, surtout les garçons, parce qu'à l'époque où il y avait encore le service militaire, et le seul endroit en Allemagne où il ne fallait pas faire le service militaire, c'est était enregistré à Berlin-Ouest. On avait un passeport spécial pour les Berlinois de l'Ouest, parce qu'eux, ils avaient un accès plus facilement vers Berlin-Est. Donc, on discutait souvent, en 15-16 ans, d'aller à Berlin. Comme ça, on évite le service militaire, on évite plein de choses, et en même temps, c'était aussi une sorte de fantasme de liberté, enfin, liberté d'accès vers des endroits qui n'existaient pas ailleurs en Allemagne. Et Berlin, c'était une grande ville, où il n'y a pas de pouvoir économique, mais en même temps, il y a une liberté, parce que les loyers n'étaient pas chers, il y avait une vie apparemment plus facile qu'ailleurs, et on a accès à des grandes universités, bien sûr, aussi, des grands discours qui se passaient aussi à Berlin. Gut, nun steht wieder Berlin auf der Matte bei uns. Heute beginnt ja die. Festgestellt, unter dem Nachwuchs leiden vor allem Frauen, die ihre Karriere. Dezember 1936 und in Berlin. Zwischen ANC und Regierung gibt, streiten beide Seiten nicht ab. Der Reformprozess scheint jedenfalls für die Nazis. Im Senat, Jörg Zucker berichtet. Die Verhandlungen über den Öffentlichen. Sorge der Kinder noch auf Unterstützung. Gabe im Juni 1937 Heft 7 ab. West-Berlin war nicht nur für Jugendliche, West-Berlin war ein Berlin-Ouest était un grand terrain d'aventure, pas seulement pour les jeunes. West-Berlin war nicht zu vergleichen mit Berlin-Ouest à l'Allemagne de l'Ouest. Westdeutschland und West-Berlin, das waren c'était zwei deux mondes différents. In Berlin, nach Berlin sind in den 60er Jahren dans les années 60, beaucoup de jeunes d'Allemagne de l'Ouest sont venus à Berlin. Unter anderem um surtout pour échapper au service militaire. In West-Berlin war quasi das Zentrum Berlin-Ouest fut le centre de la révolte étudiante en 1968. Wie in Frankreich comme Paris, auch in Paris. France. Und es war ein besonderes Klima. Il y avait un climat particulier à Berlin-Ouest. Wir hatten die Mauer, mich hat sie übrigens nie gestört. Nous avions le mur. Die Mauer war nervig, mais moi, il ne m'a jamais gêné. Westdeutschland fahren wollte. Aber ansonsten c'était casse-pied quand on voulait se rendre en Allemagne de l'Ouest. Mais sinon, on avait tout ce dont on avait besoin. C'était un champ d'expérimentation dans le domaine de l'art ou de la vie en collectivité. Les premiers appartements communautaires, les communes en Allemagne. Tout cela venait de Berlin-Ouest. Ce n'était pas aussi léché, aussi propre, aussi ordonné qu'à Hambourg, à Francfort ou à Munich. C'était une autre vie. Sorry. If you turn on the machine, this is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. Nadia Clear, vous êtes née en Allemagne de l'Est, vous avez grandi à Berlin-Est, vous avez lu Christiane F. à 13 ans, et marqué par cette lecture, vous avez vous-même entrepris d'écrire votre journal intime, et c'est devenu un livre, 1988, Une jeunesse sauvage. Also das Buch war in der DDR le livre verboten. Était interdit en RDA. Das war ja ein Westbuch und c'était un livre de l'Ouest, publié par le Stern. Das war eine imperialistische Zeitung. Un journal de l'impérialisme. Und dans un pays socialiste, ce n'était bien sûr pas autorisé. Aber meine Mutter hatte viele Journalistenfreunde. Mais ma mère avait beaucoup d'amis journalistes et artistes qui vivaient à Berlin-Ouest. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un lui a apporté le livre, l'a introduit clandestinement en RDA. Elle ne me l'a pas explicitement mis entre les mains en me disant « s'il te plaît, lis ça ». Mais il était caché parmi d'autres livres et un jour je l'ai trouvé et j'ai commencé à le lire. J'étais 13 ans alt. J'avais 13 ans quand j'ai lu le livre. Und ich habe mich gefragt, als ich das Buch gelesen habe, war für mich j'ai trouvé ça super intéressant et captivant, dass ein Mädchen, qu'une fille qui avait exactement mon âge, vive de telles choses. Und dass es auch so nah ist. C'était si proche, il faut expliquer ce que j'entends par si proche. C'était proche géographiquement, il n'y a que 5 ou 6 kilomètres entre Prenzlauer Berg et Tiergarten, là où se trouve cette discothèque Sound. Et 10 ou 12 kilomètres de la Gropiusstadt, la cité où Christiane F. a grandi. Et pourtant, c'est si loin et c'est un autre monde. Parce qu'on pense d'abord que ce n'est pas possible que de telles choses puissent se passer. Il y avait deux États allemands, la même langue, ce n'était pas un autre pays, mais une autre société. En RDA, en façade, c'est très important de dire que c'était en façade, il n'y avait pas de toxicomanes. Pas de violence familiale. Häusliche Gewalt. Officiell war das ein officiellement, c'était un pays bien ordonné et de telles histoires étaient absolument tabous. On ne pouvait pas en parler publiquement. In der Öffentlichkeit gar nicht gesprochen hat, auch so wie Asozialität, ne? Arbeitslosigkeit gab es nicht. De même que l'isolement social, soi-disant il n'y avait pas de chômage. Mais derrière les portes closes, dans les familles, pas dans toutes, mais dans certaines, il y avait aussi des comportements d'addiction et de violence. Also wie überall auf der Welt im Prinzip. Das sind jetzt auch nicht die gleichen Drogen, die man in West-Berlin comme partout dans le monde en principe bekommen hat. Also ich glaube Alkoholsucht. On ne trouvait pas les mêmes drogues qu'en Allemagne de l'Ouest. Und je crois que l'alcoolisme était un problème majeur en RDA. Aber es gab jetzt kein Heroin. Beaucoup de jeunes sniffaient de la colle aussi. Aber dieses Suchtverhalten mais il n'y avait pas d'héroïne ou de cocaïne. Mais ces comportements d'addiction existaient. Meistens abends gelesen, vorm Schlafengehen. Je lisais le livre généralement le soir avant d'aller me coucher. Je le cachais toujours un peu sous un autre livre parce que je ne savais pas si ma mère ne me trouverait pas trop jeune pour lire ce type de livre. Quelles étaient vos impressions à la lecture de ce livre ? Ich glaube, wenn man 13 Jahre alt ist, dann ist man auf eine Art fasziniert. Quand on a 13 ans, d'une certaine manière, on est fasciné. Mais d'un autre côté, choqué que des choses si graves puissent arriver à une si jeune fille. Se prostituer, être toxicomane sans être encore adulte. Elle ne fait ses choix que superficiellement. En fait, c'est la société qui choisit pour toi comment tu vis avec l'addiction. Je trouvais ça très intéressant. Super interessant, aber ich muss dazu sagen, als ich 13 mais je dois dire aussi qu'à 13 ans, nicht so reflektiert, je n'abordais pas cette histoire d'une façon réfléchie, comme je peux le faire aujourd'hui en tant qu'adulte. J'étais tenue en haleine, j'éprouvais beaucoup d'empathie. Je me faisais du souci pour elle, pour ainsi dire. Salut! Salut, Ufane! Tu viens au concert? Non, j'ai pas les moyens. Pourquoi, selon vous, le livre a eu un tel succès auprès des jeunes ? Viele haben sich selbst da gesehen und es war also als Berliner hat man beaucoup s'y sont reconnus. Weil es einfach halt so eine Art, les Berlinois l'ont lu parce que c'était en quelque sorte un instantané de la manière dont la ville vivait. Dans les années 70 et 80, Berlin était une ville complètement ouverte, car il n'y avait aucune répression. Ni de la drogue, ni d'autre chose. Wolf Zachmann, chauffeur de taxi à Berlin. On pouvait fumer des joints dans tous les cafés, ce n'était pas un problème. Pour tous les jeunes d'Allemagne de l'Ouest, c'était une expérience. Il y avait une sorte d'effet « waouh » en voyant ce qui se passait à la gare de Zoo. Berlin était très différent du reste de l'Allemagne de l'Ouest. Il n'y avait pas d'heure de fermeture imposée. Berlin était ouvert 24 heures sur 24. À part une heure pour faire le ménage, les bars pouvaient être ouverts en permanence. C'était un mode de vie complètement différent et c'est pour ça que ça avait tant de succès. Surtout auprès des jeunes. Und der Film war auch ein großer Erfolg mit der Musik von David Bowie. Et le film fut aussi un grand succès avec la musique de David Bowie, qui avait vécu ici dans la Hauptstraße. Garde-les tous. Plus ils sont piqués, plus ils sont cool. Meine Mutter war Dissidentin und Oppositionelle. Ma mère était dissidente et opposante. Elle a été arrêtée pour ça. Et une nuit, nous avons été déchus de notre nationalité est-allemande. En une seule nuit. Sind nach West-Berlin übergesiedelt worden. Nous avons été transférés à Berlin-Ouest. Dann habe ich bis zur Maueröffnung noch et jusqu'à la chute du mur, j'ai vécu presque deux ans à Berlin-Ouest. Et là, j'ai vu en live la vie de l'autre ville et de l'autre État. Wie das Leben in dem anderen Staat und in der anderen Stadt ist. Und natürlich war ich auch am Zoo. Bien sûr, je suis passée à la gare de Zoo et j'ai vu ceux qui faisaient le trottoir. Et j'avais une autre compréhension du contexte. Hintergrundverständnis dafür. Das hat mich trotzdem schockiert. Das, was in diesem Buch stand, malgré tout, ça m'a choqué de voir que ce qui était décrit dans le livre était la réalité. Et du coup, est-ce que c'était fascinant ou effrayant? Ich glaube, das kann man nicht oder sagen. Je crois qu'on ne peut pas dire l'un ou l'autre. Wenn du was zum ersten Mal siehst, quand on voit pour la première fois quelque chose qui est, disons, anormal, natürlich in der Gesellschaft stattfindet, aber enfin qui existe dans la société, mais qui n'est pas promu ou mis en avant, on est toujours effrayé. Ja, also, und es ist eigentlich traurig, dass, en fait, c'est triste que tant de jeunes se retrouvent dans cette situation. Ich bin ja in einer Familie, Gott sei Dank, groß geworden. J'ai grandi, Dieu merci, dans une famille où il n'y avait pas de problèmes graves qui peuvent faire qu'on tombe dans la drogue. Ich habe auch Drogen genommen, mais j'ai aussi pris des drogues étant jeune, des drogues douces, j'ai fumé des joints, j'ai bien sûr bu de l'alcool et parfois beaucoup trop. Mais il y avait toujours une sorte de limite. Et c'était peut-être une bonne chose de savoir que j'avais lu le livre avant. Das kann passieren, ce qui peut arriver si tu vas trop loin ou si tu tombes sur les mauvaises personnes. Et tu dois être très vigilante avec ton cerveau et ton radar. Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans, des chiens et du chien. Je dirais en substance, ceci ne touche pas à la poussière d'ange, angel dust, en chien ou en chien. Le phénomène Christiane EF n'est pas un phénomène allemand, c'est un phénomène international dans les années 70. Géraldine Schwartz. Où la jeunesse, finalement, cultive une espèce de culture de la drogue, où la drogue fait partie de la culture underground. Elle est indissociable de la musique underground, du style de vie jeune qu'on mène ou qu'on rêve de mener à partir de la fin des années 60. Donc... J'ai envie de dire, c'est pas seulement la société allemande qui fermait les yeux, mais c'est l'ensemble du monde occidental qui fermait les yeux sur ce problème extrêmement grave auquel était confrontée la jeunesse, qui n'arrivait pas finalement à dissocier culture et drogue. La drogue était devenue finalement une culture de jeunes. Ce qui m'étonne, c'est que il n'y a pas eu un tel livre dans les autres pays, parce que les États-Unis étaient également concernés par ce problème de drogue. Encore plus, je crois, que l'Allemagne. La jeunesse américaine des années 70 était toute droguée. On ne pouvait pas s'imaginer faire la fête sans qu'il n'y ait de drogue. Donc on a laissé les enfants et les jeunes, à cette époque-là, presque se suicider. C'était totalement irresponsable de la part de la société. Viens vite! Tu veux peut-être qu'on l'emmène? Allez, dépêche-toi! Alain Morel, vous êtes psychiatre et vous êtes le directeur général de l'association Opelia qui travaille en addictologie. Est-ce que vous avez lu le livre « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée » ? Bien sûr, lu et même étudié. Il y a quelque chose comme un mythe qui s'est constitué là à travers cette histoire, cet immense succès du bouquin, la sortie du film aussi qui a suivi, et qui nous a posé un certain nombre de questions quant à la caricature même, surtout pour le film, que cela donnait la toxicomanie. C'était pas tout à fait ce qu'on rencontrait. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que se constitue... Le stéréotype, une sorte de modèle qu'on retrouve encore dans certains propos, celui que si on commence par le cannabis, on va s'enchaîner avec le LSD pour ensuite passer à l'héroïne. C'est intéressant de regarder ça un petit peu à distance, historique, parce que en fait, au même moment, fin des années 70, début des années 80, plusieurs choses qui se passaient. Moi, je commençais mon premier poste d'interne en psychiatrie. J'étais un des rares, très rares, qui s'intéressait aux questions de toxicomanie. Et donc, nous étions en pleine phase d'essayer de conceptualiser, de comprendre, d'écrire, d'échanger, et commencer aussi à avoir des pratiques tournées vers l'individu, vers sa propre trajectoire, la compréhension de sa trajectoire qui pouvait l'amener dans des dépendances très lourdes à gérer, difficiles à gérer. Parce que l'histoire de Christiane F., c'est pas simplement une histoire de drogue, c'est une histoire de rupture avec sa famille, et d'incompréhension avec ses parents, mais en particulier aussi de la violence de son père. Donc c'est aussi ça qui aurait dû être, enfin, en tout cas, que nous cherchions à faire valoir derrière la toxicomanie, la partie visible, derrière le mythe, d'une certaine manière, il y a des personnes avec une histoire. Et à cette époque-là, et encore aujourd'hui, on se bat contre le mythe de la drogue. Cette liaison très forte faite entre drogue et jeunesse, et donc dépravation de la jeunesse à travers l'utilisation des drogues, a fait que là, la question morale a créé un nouvel ennemi, qui est le jeune consommateur, donc qu'il faut poursuivre, qu'il faut empêcher, qu'il faut condamner. Et c'est comme ça qu'on a rempli les prisons, dans un climat particulièrement répressif. Parce que c'est une chose qu'il ne faut certainement pas oublier, c'est que la loi de 70, donc qui date, comme son nom l'indique, de 1970, qui a instauré les peines de prison, même pour usage, et qui existe toujours d'ailleurs, c'est le même qui s'applique toujours, elle n'a fait que s'aggraver au fil du temps, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que se développaient des connaissances, l'apparition visible de problématiques de toxicomanie avec des drogues illicites, eh bien, les peines, les sanctions, l'action de la police, l'action répressive n'a cessé de s'accroître. Wunderbar, chanté par Christiane Felcherino. En fait, c'est l'incapacité d'une société de voir ses failles, parce qu'il va falloir les combattre, et parce que ces failles poussent une société à se remettre en question, et on n'a pas envie de se remettre en question. Donc on reste aveugle face à ces failles. On préfère fermer les yeux plutôt que de remettre toute la société en cause. En Allemagne, dans les années 70, il y a eu une radicalisation des mesures policières et répressives à cause de la montée de l'extrémisme qui, je pense, a aussi inquiété la jeunesse. La jeunesse s'est certainement sentie muselée. Elle a senti qu'il y avait un risque que le pays, qui portait encore les traces du national-socialisme, retombe dans d'anciens travers. Et la publication d'un tel livre a été, je pense, une forme de libération par rapport à un masque derrière lequel l'Allemagne de l'après-guerre s'était cachée pendant toutes ces décennies. Vous allez peut-être découvrir son visage aujourd'hui en noir et blanc dans les colonnes de M, le magazine du Monde. Photo d'une femme, 35 ans, après un récit qui avait bouleversé d'abord l'Allemagne, puis le monde entier. Son titre, vous vous en souvenez certainement, « Moi, Christiane F, 13 ans, droguée et prostituée ». Et bien 35 ans après, Christiane F sort une autobiographie qui paraîtra le 16 octobre en France, sous le titre « Moi, Christiane F, la vie malgré tout ». Pascal Thibault, à Berlin. Christiane F a décidé, grâce à la persuasion d'une jeune journaliste allemande, de raconter 35 ans plus tard sa deuxième vie. Il fallait raconter ce qui s'est passé depuis. Les gens veulent savoir. Géraldine Schwartz, vous avez rencontré Christiane Felcherino en 2013, à l'occasion de la sortie de son deuxième livre. C'était assez saisissant, car je m'attendais à un déchet, pour être honnête. Et j'ai rencontré une femme belle, élégante, son regard comme un éclair, comme des papillons avec des tas de couleurs, bien coiffée. Et surtout avec une aisance dans la discussion, une vivacité qui était étonnante. Quand on sait que Christiane F est toujours droguée et était droguée quand je l'ai rencontrée. Dans son deuxième livre, Christiane F raconte qu'elle rechute 5 ans après avoir arrêté dans une Allemagne où la nouvelle drogue est le speed et la coke, mais qu'en fait, elle se rend compte que le speed et la coke sont pas assez forts pour elle. Et qu'elle est vraiment dépendante de l'héroïne et qu'elle ne peut pas remplacer l'héroïne par ses drogues plus douces. Voilà, donc je vais vous sortir les livres. C'est la version brésilienne, A Minha Segunda Vida. La version hollandaise, Mein Tweede Leven. Ça a été traduit, je ne sais pas, non. Une vingtaine de langues. En France, on s'est baladé avec Christiane dans les rues de Paris pour faire la promotion avec Flammarion. Et les gens l'ont reconnu dans la rue. Il avait vu apparemment une photo dans l'article, il a vu un papier du Monde. Il y a des gens qui l'ont salué dans la rue, et aussi de manière très différente qu'ici. J'ai l'impression que les Français, vraiment, pour eux, elle était un peu une célébrité ou une star. Oui, vous êtes Christian Neff, oui. Donc j'ai lu votre livre dans mon enfance, ça m'a marqué. Donc il y avait des réactions très positives. Très contraire à ce qui se passe en Allemagne, parce qu'en Allemagne, elle a toujours été un peu victime de la Yellow Press. Il y a toujours eu des journaux et des magazines à la télé qui faisaient des sujets sur elle. Enfin, en fait, elle apportait pas de news, mais des genre qu'est-ce qu'elle devient, Christian Neff, 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après. Est-ce qu'elle se drogue encore? Donc, elle était un peu, je pense, un peu maltraitée par la presse allemande. Pour les Français, elle était un peu comme un personnage d'un film ou d'un livre, d'une certaine nostalgie, tandis qu'en Allemagne, elle était une personne réelle, pas très glamoureuse, hein, parce que sa misère continuait après les années 80. Et donc, ce qu'on a essayé de faire avec ce livre, c'était un peu aussi de raconter une autre histoire, mais aussi de faire comprendre que sa célébrité, sa notoriété faisait aussi partie de son destin mal tourné. S'en sort, parce que si elle n'avait pas eu ce succès avec ce livre, ce premier livre dans les années 80, fin des années 79, je pense qu'elle se serait sortie de la drogue, de l'addiction. Mais comme elle avait toujours l'argent, elle avait toujours la notoriété, elle était invitée dans les soirées, donc elle était un peu la star qui n'a aucune raison d'être star, à part sa notoriété. Et c'était un peu comme ça, Christiane, c'était, je pense, la première star qui était star connue pour rien. À part ce qui est arrivé, qui n'est pas du tout glorieux, finalement. Daniel Gerlach, vous êtes l'éditeur des éditions Levante à Berlin, et vous avez publié le second livre de Christiane Felcherino, La vie malgré tout, Mein zweites Leben. Vous décrivez un parcours assez douloureux, en fait, pour Christian F. dans cette relation au public, au lecteur. Et en même temps, son livre, c'est vraiment aussi le livre culte. Il y a eu une fascination pour son histoire, pour elle. C'est une espèce de contraste, comme ça, entre réalité et fantasme public. Oui, bien sûr. C'est un jeu de mots un peu bidon, mais on l'appelle l'anti-héroïne. Donc, dans le contexte de Christian... ça résonne de manière un peu spéciale, déjà le premier livre, ça finit pas très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Elle avait tout d'un coup accès à un monde très différent, Hollywood. Elle part au Château Marmont, je pense, c'est le nom de l'hôtel à Los Angeles, pour faire la promotion du film. Elle va rencontrer David Bowie. Elle est un peu grande gueule aussi. À l'époque, elle pouvait vraiment impressionner les gens. Donc, on l'invitait un peu à table pour s'amuser, pour voir, ah, vous voyez, ça, c'est la starlette Christiane qui est connue pour être une jeune prostituée droguée à Berlin. Trash, mais marrante et tout ça. Elle lisait, s'intéressait aussi à la culture. Elle devient la petite, fille adoptée à temps d'une famille d'éditeurs à Zurich, en Suisse. C'est une famille de classe bourgeoise, mais en même temps intellectuelle, spontanée, open et tout ça. Et là, après quelques temps, vous voyez quand même qu'à cause de ça, à cause du fait qu'elle est toujours connue, et qu'il ne faut pas oublier, à l'époque, elle avait déjà droit au versement des royalties. Hein, donc l'argent arrive tout le temps sur son compte. Parce que ça a représenté beaucoup d'argent, les ventes du premier livre. Évidemment, c'est une source de revenus jusqu'à aujourd'hui. Et donc, elle n'avait pas besoin de travailler. Elle était aussi toujours dans les milieux, fréquentait toujours les milieux où les gens se droguaient plus ou moins. C'était accepté, c'était accessible. Le fait qu'elle reçoive une certaine admiration ou affirmation de la part d'autres, des autres, pour être l'icône de cette rock'n'roll, époque rock'n'roll berlinoise, c'est une des raisons principales pour sa misère, je pense. Parce qu'elle ne s'en est jamais vraiment sortie. L'amour noir, comment dire en allemand, fasciné de Schaudernandi. Les gens étaient effrayés, les gens étaient choqués par l'histoire, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvaient d'être Christian Neff. I will be king. Anna Morel, psychiatre. C'est intéressant de voir comment cette focalisation qui a pu y avoir dans la fin des années 70, début des années 80, autour de ce stéréotype du jeune adolescent de milieu plutôt, classe moyenne ou même aisée, qui se retrouve dans les centres-villes pour écouter de la musique, comme le fait Christian F., hein, c'est la fascination pour Bowie, Led Zeppelin, etc. Et cette fascination, cette focalisation sur cette catégorie-là de l'époque a permis sans doute de comprendre quelque chose, de voir qu'est-ce qui se passait, sans s'apercevoir que ce qu'on a pu découvrir lorsqu'est arrivé le sida, c'est qu'en réalité, l'héroïne, notamment l'héroïne, beaucoup plus que les autres produits d'ailleurs, avait diffusé pendant toutes ces années-là, la fin des années 70, début des années 80, dans les banlieues. C'était aussi la misère, c'était aussi une grande pauvreté et une façon aussi de survivre, mais d'une manière non visible. Dans les immeubles, dans les caves, en train d'ailleurs de se partager les quelques seringues qu'ils pouvaient avoir, parce qu'à l'époque, l'accès aux seringues stériles était interdit, et on considérait que d'empêcher l'accès à des instruments qui pouvaient permettre de se droguer était un bon moyen de dissuader et d'empêcher la drogue de se répandre. C'est là qu'est apparue la nécessité de penser une autre façon d'aider les personnes, celle de la réduction des risques, c'est-à-dire de ne pas chercher à ce que les personnes s'arrêtent à tout prix de consommer, mais qu'elles aient les moyens de consommer à moindre risque. Mais ça a été une reconversion très compliquée, parce que justement, avec le stéréotype de Christian F., l'idée forcément c'est de répéter jusqu'à ce qu'on y arrive les sevrages. Et donc cette vision de l'enfermement, de l'affrontement par rapport à la dépendance a été complètement et radicalement remise en question avec le sida et des fins de vie absolument dramatiques. Heimweh, chanté par Christiane Felcherino. C'était Livre culte pour lecteurs rebelles. Moi, Christiane F., le flip des adolescents. Avec Géraldine Schwartz, Nadia Clear, Daniel Gerlach, Maurice Weiss, Horst Rick et Alain Morel. Traduction de l'allemand et voix de Marie Bouquet. Remerciements à Ludovic Piétenu, à Cécile Poirier et à Cécile Cala. Extrait du film « Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée », réalisé par Uli Edel. Documentation musicale, Romain Couturier. Prise de son, Frédéric Kérou. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Anne Nasmuth. Lectrice, amoureux des livres, bibliophile, lecteur compulsif ou rat de bibliothèque LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Berlin, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.